Le rapporteur spécial chargé des droits des handicapés relevant du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, Catalina de Bandas Aquilar, et sa suite sont arrivés les deux courants par vol à Pyongyang.